La jument. C'est la rentrée générale des foins. Les granges se bourrent jusqu'aux tuiles fêtières. Les hommes et les femmes se dépêchent parce que le temps menace et que, si la pluie tombait sur le foin coupé, il perdrait de sa valeur. Tous les chariots roulent. On charge l'un, tandis que les chevaux ramènent l'autre à la ferme. Il fait déjà nuit que le va-et-vient dure encore. Une jument en mer hennit dans ses brancards. Elle répond au poulain qui l'appelait et qui a passé la journée au pré, sans boire. Elle sent que c'est la fin, qu'elle va le rejoindre, et elle tire du collier comme si elle était seule, attelée. Le chariot s'immobilise près du mur de la grange. On dételle, et la jument libre irait d'un trot lourd à la barrière, où le poulain tend le nez, si on ne l'arrêtait, parce qu'il faut qu'elle retourne chercher là-bas le dernier chariot.